si on me fait excater. Y'aura des larmes de croco sur mon cadavre. Cousine chez moi, y'a rien à gratter. Paradoxal, dans mon cœur, il fait un froid de canard. Crois pas que ça me plaît de devoir parler de drame. Si les faux culs me serrent la pince, c'est que le monde n'est qu'un panier de crabes. J'viens foncer dans le tas, m'invitez pas à Masterchef, j'suis réputé pour mettre les pieds dans le plat. J'prends de la bouteille, pourtant j'ai arrêté de teaser. J'préfère maquettiser mes couplets. T'as fait des bouteilles, c'est dans ma nature. Ma rime une maglite, elle t'en met plein la vue. Dans le peura, pareil que c'est la merde. On finira lapidé à force de tous se rejeter la pierre. J'ris chaud, n'ai rien à voir avec la clope. L'espérance m'a larqué en claquant la porte. J'continue à rapper tel quel. À foutre, demain je pourrais être dead. Habitué à ce que mes thèmes c'est. J'suis au 36ème dessous, pas au 7ème ciel. J'continue à rapper tel quel. Rien à foutre, demain je pourrais être dead. Habitué à ce que mes thèmes c'est. J'suis au 36ème dessous, pas au 7ème ciel. Visage blême, me parle pas de paix. Le comble de la colombe, c'est qu'elle bat de l'aile. La vie c'est laid, je raconte pas d'histoire. Dans mes classiques, il est facile de mourir mille fois. Poto, moi je verrai pas le paradis. Y'a pas photo, préviens les paparazzi. J'ai de la punch, j'ai de l'élocution. Mon gros, je fais pas du son pour plaire à Tarakli. Je passe d'un plan B à l'autre. Et je m'apprête à boire la tasse vu que la plupart de mes rêves sont tombés à l'eau. Pareil que l'amour est un trésor, j'ai fait une croix dessus. Pour compter sur ma plume, pas besoin d'avoir fait ma dessus. Je joue des assonances sur beaucoup de syllabes. Aussi vrai que mes ambitions sont décimées telles les Uchiwa. La mauvaise graine, je suis l'anxieux de ma bande. Je me fonds dans l'ombre à la rythmique et vous laisse sous les feux de la rampe. Je continue à rapper tel quel. Rien à foutre, demain je pourrais peut-être dead. Habitué à ce que mes thèmes saignent. J'suis au 36ème dessous, pas au 7ème ciel. J'continue à rapper tel quel. Rien à foutre, demain j'pourrais peut-être dead. J'suis au 36ème dessous, pas au 7ème ciel. J'continue à rapper tel quel. Rien à foutre, demain j'pourrais peut-être dead. Habitué à ce que mes thèmes saignent. J'suis au 36ème dessous, pas au 7ème ciel. J'continue à rapper tel quel. À foutre, demain je pourrais peut-être dead. Habitué à ce que mes thèmes c'est. J'suis au 36ème dessous, pas au 7ème ciel.